jadis on aurait pendu. Ce matin, encore parvenu, l'histoire d'une femme que jadis ils auraient tendu. Que l'amour n'est pas juste la case d'un formulaire. Et demain, un autre jour peut-être, juste le lien de deux personnes, de deux êtres. Et qui de nous pour dire d'où vient le mal? Flèche de Sébastien.